Bonsoir, bienvenue à MTC. On est mardi soir 12 novembre 2013. Le 10 qui se lève 5714 et se court sur la paracha de Vaishlar par le Rav Maimon Pinto et pour l'Eilu Nishma de Rosalie Bat Urida et de la Refoua Shelema Bezat Hashem de Nissim Ben Zaken. Bezat Hashem, ce cours va commencer. Bonne écoute. Dans la paracha de Vaishlar, on trouve beaucoup d'événements qui se passent. Effectivement, dans tout le livre de Sefer Bereshit, c'est Baruch Hashem, c'est très très dur dans un shiur d'essayer de couvrir tous les éléments qui se passent, parce que vraiment c'est des histoires après des histoires. Parashat Vayishlach, c'est déjà après que Yaakov il quitte la maison de Lavan. Et Lavan, à la conclusion de la semaine passée, après que Yaakov il quitte Lavan, il trouve des malachim, oui, des anges qui vont avec lui. C'est quoi le verset qui dit va'ilchu ito malachim, etc. Les anges ont suivi Yaakov pour l'accompagner à sa direction. Yaakov alach le darko v'yivgeu malachim elokim. Le verset il dit v'yivgeu bo malachim elokim. Les anges de Dieu l'ont rencontré. Et ils sont partis jusqu'à l'encampement de Yaakov. Au début de cette paracha, Yaakov il sait qu'il va trouver Esav dans le chemin. Et il envoie Vaishlach Yaakov Malachim. Il envoie des anges. En vérité, beaucoup de commentaires demandent, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov il a envoyé des anges? Est-ce que ça veut dire... Il y a deux opinions dans la Gemara qui disent que Malachim, ce n'est pas vraiment des anges, mais c'était des messagers, des shluchim, qui sont partis voir comment est-ce que Esav... Est-ce que Esav allait... Est-ce que Esav, il déteste toujours Yaakov, etc. Les commentaires demandent, selon les opinions qui disent que les Malachim, c'était des anges, pourquoi est-ce que Yaakov, il devait envoyer des anges? Comment est-ce qu'on sait vraiment que c'était des anges? Alors simplement, Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui était un des commentaires, un grand commentaire sur le commentaire de Rashi, il rapporte que puisqu'à la fin de la paracha d'avant, qu'est-ce que c'est décrit? C'est ramené, comme on l'avait dit, Yaakov, Vaivgehu bo Malachim. C'est les anges qui s'étaient trouvés avec Yaakov, ces anges-là, Yaakov, il décide de les envoyer pour voir qu'est-ce que Esav veut de lui, qu'est-ce que Esav va faire. Ça veut dire que Yaakov, il demande d'envoyer ces anges-là qui se trouvent devant lui. Parce que le verset, il dit « Vaishlach Yaakov asher lefanav » qu'ils étaient devant lui, qu'ils étaient à côté de lui. Bon, ça, c'est le texte qui est très simple, mais on trouve que ça ne peut pas être les mêmes anges. Voilà. Pourquoi? Parce que les anges qu'ils étaient dans Parashat Vayetzé, c'est écrit Malachi Elohim, les anges de Dieu. Puisqu'ici, ce n'est pas écrit Malachi Elohim, alors ça doit être que c'est un autre groupe d'anges. Mais toute la question se demande, pourquoi est-ce que Yaakov il a besoin d'anges? Il peut envoyer des messagers très simples, les envoyer, c'est tout. On n'a pas besoin des anges ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les anges? Pourquoi est-ce que les commentaires trouvent que Yaakov, il a vraiment besoin de ses anges pour être ses messagers? Alors, le Maharal de Prague, il explique. Le Maharal de Prague, c'était Rabbi Yehuda Levi, il rapporte que Yaakov, il voulait faire peur à Esav. Il voulait lui dire, regarde, voilà, je t'envoie des anges pour lui montrer que c'est un homme, comme que, quand Yaakov, il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Il me l'a vangarti. Oui, ça veut dire, Rachid rapporte, c'est quoi il me l'a vangarti? J'ai habité avec Lavan. Rachid dit, garti, c'est le même nombre numérique que Tariag Mitzvot. Garti, gimel resh, taf yud. C'est Tariyad, 613 mitzvot, voulant dire que, voilà, moi j'étais dans la maison de Lavan, Et Lavan, c'était un grand rachat. Et moi, quand même, j'ai gardé tous les mitzvot. Alors, fais attention. Hachem, il est avec moi, etc. Alors, la même idée ici, que pourquoi est-ce qu'il lui a envoyé des anges? C'est pour lui dire de faire attention, que Hachem, il est avec lui, etc. De lui faire peur, en d'autres mots. Mais, en vérité, c'est très dur à comprendre aussi. Parce que plus tard dans la paracha, on trouve... Certains commentaires disent que Esav, il ne savait même pas que c'était des anges. Quand ils sont venus voir Esav, on n'a pas trouvé que Esav, il a eu peur. Ou... La plupart des commentaires disent que Esav, il ne savait même pas que c'était des anges. Ils ne se sont pas présentés à Esav comme en étant des anges. Ils sont présentés comme ça, on est venu voir, on est les messagers de Yaakov. Et on est venu voir que est-ce que tu détestes toujours. Comment est-ce que tu trouves Yaakov? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Alors on voit d'ici que ça se peut pas, que toute la raison que Yaakov a envoyé les anges, c'est pour faire peur à Esav, puisque Esav, il savait même pas. Et on voit qu'Esav, il a pas eu peur des Malachim. Alors, on explique sur Rashi, on voit que Rashi lui-même, il explique que la raison pourquoi il voulait lui envoyer des Malachim, c'est qu'on trouve que Esav, en vérité, c'était un rotser. C'était un meurtre. Un meurtrier, je veux dire. Excusez-moi. C'était un meurtrier. Et puisque c'était un meurtrier, Yaakov, il devait prendre des précautions. Yaakov, il savait que c'était Esav Ishasadé. Et s'il allait envoyer des messagers réguliers, peut-être, comme le Rachaïm, il explique, peut-être il les aurait tués. Et puisqu'il avait cette crainte que s'il envoyait des messagers réguliers, peut-être, et en plus on sait que Esav, il était avec 400 hommes, certainement qu'il aurait fait du mal certainement qu'il aurait fait très mal à ses messagers. Alors, le Rahim, il explique, c'est pour cela, Yaakov, il avait besoin, c'est pour ça on trouve que la Torah... Elle doit nous dire que l'explication, c'est que Yaakov, il devait envoyer des anges, puisqu'il pouvait faire du mal à des messagers réguliers. Alors c'est pour ça, on trouve que la Torah nous enseigne qu'il avait besoin d'envoyer des anges pour qu'il ne se passe rien. Même qu'on trouve que Hachem lui-même avait demandé à Yaakov d'envoyer des anges, des messagers. C'est Hachem qui lui a dit de partir de la maison de Lavan. Puisque Hachem lui a demandé de partir de la maison de Lavan, alors il n'avait pas rien à craindre. Mais pourquoi Yaakov avait peur d'Esav? Il avait peur d'Esav? Et Yaakov s'est battu avec l'ange d'Esav. Mais est-ce que Yaakov il avait peur d'Esav ou non? Dans la paracha, il n'avait pas peur. Non. Pourquoi il a divisé le camp? Il avait peur pour eux, pour ceux qui étaient avec lui. Mais lui-même, il n'avait pas peur. Okay. Parce qu'il s'est battu contre peur ne pas avoir peur de Esav lui-même, de craindre Esav. On voit que Yaakov, il avait quand même une crainte de Esav. Oui. Pas sur lui-même, sur ceux qui étaient avec lui. Oui, ça c'est une autre chose. Pourquoi le verset il dit Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet, etc. Mais simplement quand on regarde les versets. Il avait une certaine crainte, ça soit pour lui ou ça soit... Mais si c'est pas pour lui et c'est pour sa maison, quelle différence ça fait? Yaakov, il avait peur que Esav tue ses enfants ou tue sa famille. Même si tu n'as pas peur, tu dois faire les choses selon... Oui, certainement, mais ça c'est une autre chose. Même s'il n'a pas eu peur, il doit faire les choses, pas de bederchanes, pas comme un miracle. Mais ça c'est une autre question, mais on voit du verset lui-même. Quand il met Colin ainsi, il divise le camp, il le met ici, il le met là-bas, etc. Il fait en sorte de ne pas se faire attaquer par Esav. Oui, mais la preuve comme quoi il n'a pas peur de Esav, c'est parce qu'il a dit « Gartir im Lavan ». Étant donné que j'ai passé 14 ans de ma vie avec Lavan, un homme qui est rusé, qui est bandit, voilà. qui n'aura rien peur de rien du tout... Imagine-toi là, pour montrer que Esav, c'est rien à côté de Lavan. Chazak. Comment? Lavan, c'est un maître de la ruse et du banditisme. Lui, il l'a eu. À plus forte raison, Esav, lui, qui est son cœur. Très bien. Mais ce qui est un peu différent. Maintenant, c'est la vraie qu'il a fait un camp, il a divisé le camp. Mais comme il connaît, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, Esav, on sait que c'est un assassin, c'est un meurtrier et qui n'a peur de rien du tout. Ouais. Alors, on se rappelle très bien. C'est très bien, mais la seule différence qu'on trouve, Razak, mais la seule différence qu'on trouve entre Lavan et Esav, c'est que Lavan, même qu'il était rusé, il n'a jamais essayé de tuer Esav. Et Yaakov, il n'a pas essayé. Il est parti, mais ce qu'il a essayé de tuer, il est parti de le rattraper. Hachem lui a dit, Razak, on trouve jamais que Yaakov lui-même, il avait cette crainte de diviser le camp, etc., et qu'il avait cette crainte. Ici, Yaakov, il se prépare. C'est pas, on peut dire tout simplement, Yaakov, il n'a pas peur que Esav le tue. Mais il se prépare pour une guerre. Exactement. Il s'est préparé pour une guerre. Il s'est préparé pour une guerre. Alors il a fait sa structure. Razak. Il a préparé sa défense. C'est ça. Alors la seule crainte que... Esav a envoyé Eliphaz pour tuer Yaakov. Esav a envoyé Eliphaz quand il est sorti de... Il est Farana. Razak. Razak. Razak. Et quoi? Et ça prouve quoi alors? Il a raison, il a combien de cavaliers il a envoyé? Que Yaakov il a peur de lui? Pourquoi il a eu peur de lui? Parce qu'Eliphaz, Esav voulait. Non, tout simplement avec l'histoire d'Eliphaz. Eliphaz c'était le. De qui pour Esav? Son fils. Mais non, Eliphaz il est sorti quand Yaakov il a quitté la maison de Yitzhak, il est sorti. Je vais juste dire à tout le monde toute cette histoire. Quand Yaakov il a quitté la maison de son père. Il est parti pour voir à la maison de Lavan. Eliphaz, le fils de Esav, est sorti pour le tuer. Oui, mais ça ne dit pas là-bas qu'il avait peur de lui. Il ne voulait pas le tuer. Et Yaakov, tout simplement, ne voulait pas tuer Eliphaz. Yaakov donnait tout. Il lui a donné Eliphaz. Tout. Pourquoi? Parce qu'il voulait arriver avec Chakemet. Voilà, c'est ça. Alors, il lui a dit, quand Eliphaz, le fils de Esav, a vu Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a eu de la peine pour. Il ne voulait pas se battre avec lui, Eliphaz, mais Eliphaz lui-même. Parce qu'à la fin de la journée, le Midrash, il dit qu'Eliphaz, il a grandi dans la maison d'Abraham. Alors, puisqu'il a grandi dans Abraham, il avait quand même une certaine bonté. Il savait qu'il y a accord, etc. Mais il lui a dit qu'est-ce que je veux faire que mon père m'a commandé de te tuer? Je dois faire un kibou d'avant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit, alors tiens tout mon argent, et puisqu'un pauvre, il est considéré comme un ani, il est considéré comme un mort, c'est comme si tu m'as tué. Alors tiens tout, c'est pour ça qu'on voit que Yaakov, quand Yaakov il est arrivé chez Lavan, il n'avait rien sur lui, il n'avait rien. En tout cas, on trouve ici qu'en vérité, beaucoup de commentaires, ils demandent comment est-ce que vraiment Yaakov, il avait peur de Esav. Commentaires eux-mêmes, ils demandent. Il dit Katanti mikola chassedi mikola emet. Alors on voit dans les versets lui-même que pourquoi est-ce que Yaakov, c'était un tzaddik. De quoi il avait peur? Mais il n'avait pas de emouna en Hachem, chassé shalom, on ne peut pas dire ça. Mais si on remarque. Est-ce qu'il avait une bitachon? Si on remarque chez Yaakov, oui. Quand il a été avec Eliphaz, il a dit, quand il a eu la lutte avec le matmo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit si absolument j'arrive. Chez mon oncle et tout sans crainte et tout, yeah. Hein, moi alors je te donnerai ça je te donnerai ça. Il a toujours comme ça prié, il a toujours si tu veux, il a toujours sorti ce qu'il ressentait à Yaakov. D'ailleurs on avait parlé de ça, qu'il avait été puni aussi pour ça, parce qu'il avait promis, il n'a pas gardé sa promesse non plus. Absolument. Yaakov, alors Yaakov il dit qu'attendez Mikol Chassidim Mikol Emet. C'est que Yaakov, il a réalisé, vous vous rappelez, on a parlé une fois dans le shiur de Seouda Shlishit, avec toute l'histoire avec... Non, mais je suis désolé, excusez-moi, mais il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit quand il est sorti de... La mère Rivka, à Yaakov, elle lui a dit, va-t'en pour que la colère de ton frère, elle s'apaise, et tu reviendras. Et Hachem lui-même, il dit à Yaakov de revenir. Donc si Hachem lui-même, il dit à Yaakov de revenir, pourquoi il aurait peur? Parce que c'est Hachem lui-même qui dit. Très bien, tu nous as juste renforcé la question. C'est ça, qu'est-ce que les Mefarchim, ils disent? Comment est-ce que... tu nous as juste renforcé la question. Les Mefarchim me demandent cette question. Si Yaakov, Hachem lui a déjà promis, Hachem lui a promis, quitte la maison de la vanne et retourne à la maison de ton père. De quoi il a peur? Il a peur de tuer. Hein? Il a peur d'un... Alors, les Mefarshim, ils disent que Katanti Mikol Chassadim Kol Haemet. Ça veut dire quoi? Si vous vous rappelez, on a parlé une fois d'un Shiur avec un des Tanaïm. Il avait un miracle. Il a donné tout son argent, vous vous rappelez? Il voulait marier sa fille, il est sorti dans le chouk. Il a trouvé des gabaïm de tzaka, il leur a donné tout de la tzaka. Après ça, il a eu un miracle, etc. Qu'il avait plein de graines chez lui à la maison. Il a dit, je veux rien de ça. Alors, on avait expliqué pourquoi il avait fait tout ça. Même qu'il avait le droit d'utiliser toutes ces graines. Hachem lui a donné un miracle. Et toute la chambre s'est remplie de blé, etc. Qui est devenu très riche. Mais il voulait pas toucher une graine de blé. Pourquoi? Parce qu'on va lui envoyer de ses schrouillottes. Parce qu'il avait des schrouillottes, que maintenant on lui avait fait un miracle, peut-être ces schrouillottes vont être enlevées. Alors c'est la même. Dans Abraham Avinu, quand il mais, la guerre. C'est ça, c'est de là-bas qu'on avait appris l'homme Israël va Anal. Oui, il ne voulait même pas prendre du roi, même rien du tout, même pas une pièce. De là-bas, on l'avait appris, c'est toute cette histoire. Alors c'est la même. Les Mefarshim m'expliquent la même chose. Katan Dimikola Chassadim. Ça veut dire que Yaakov, il a réalisé que Hachem lui a donné tellement d'abondance quand il est sorti de la maison de Lavan. Hachem lui a donné tellement, il lui a fait tellement de miracles. Peut-être ces schrouillottes ont été enlevées un petit peu. Peut-être avec tous les miracles que Hachem lui avait fait avec Lavan, qu'il est sorti, avec tous les bétails qu'il est sorti, avec toute cette abondance, peut-être Hachem lui a envoyé un peu de ses mérites. On lui a envoyé un peu de ses mérites. Et peut-être, il avait fait un péché. Puisque il ne savait pas qu'il avait fait peut-être un péché. Peut-être c'est pour cela qu'Hachem, maintenant, il va le punir. C'est ça le mot « katanti mikol achasadim ». Ça veut dire que je suis tellement petit qu'Hachem m'a donné tellement de choses que Yaakov, on voit la grandeur de Yaakov. Même une personne comme Yaakov, il réalise peut-être qu'Hachem m'a donné tellement de choses pour Hashem Shalom et quand même, tous mes schouyot, tous mes mérites, ils sont partis. Et il pense que Hachem va le punir avec Esav. C'est ça que les commentaires... Hein? Je pensais qu'il avait simplement peur de tuer son frère. Mais d'un côté, on sait que Ashkam le orgo. Si quelqu'un vient tuer une autre personne, il a le droit de se protéger. C'est une chose, se défendre. Il avait fait bien, mais puisque Yaakov c'était un vrai chassid. C'était un vrai tzaddik. Il a réalisé que même avec tout ce qu'il avait fait, qu'il était un grand chassid, il a peut-être comment réaliser que peut-être il y a quelque chose qu'il a fait de travers, il a manqué quelque chose, il n'a pas bien fait, quelque chose. Et Hachem lui a donné tellement de bonnes choses que maintenant, Chas Shalom, peut-être Hachem allait le punir. Alors de là-bas, c'est le lien de Katandi. Katandi Mikol Hassadim. Hein? Il a donné 12 enfants, c'est magnifique. Il a donné tous les tribus. 12 enfants, une fille, Dina. On va parler de Dina aujourd'hui aussi. Malgré qu'il est Esav, il est meurtrier et tout ce qu'on veut assassin, il a donné aussi l'abondance à Esav. Parce qu'à Esav, à un certain moment, il voulait lui offrir pas mal de matanot et de cadeaux et tout. Il a pratiquement refusé. Ah, on va parler. Il a dit, j'ai tout ça, j'en ai. On va parler de ça. Il avait aussi des enfants aussi, pas mal d'enfants à Esav aussi. Esav, hein. Ouais. Yitzhak, à la fin de la journée, Yitzhak lui a donné quand même une bracha. Oui. On souffre à cause jusqu'aujourd'hui de ces problèmes. Esav, il a reçu Mishmane Haaretz. Il a reçu aussi. Très grand bracha de Yitzhak. Bien sûr. Il était riche, Esav. Vous n'avez jamais demandé. Moi, j'ai réalisé la semaine passée, dans la paracha avec Yitzhak, j'ai réalisé quelque chose. La bracha de Yitzhak, quand nous, on va voir un tzaddik, on lui demande une bracha, il peut tous venir ici. Pourquoi Yitzhak, il ne peut plus donner de brachot? C'est jamais demandé. Yitzhak, c'était le tzaddik de la génération. C'était lui. Il pouvait donner autant de brachot qu'il veut. Comment il dit à Esav, j'en ai plus rien? Ça veut dire, on voit chez les tzaddikim, on leur demande une bracha, et il te donne à lui, il passe à tout le monde. Bon, ouais. Hachem, ouais, qu'est-ce que tu as besoin des enfants? La parnassa, refou Hachlema, etc. Qu'est-ce que Yitzhak lui dit? J'en ai plus. Ouais. Juste Yaakov qui était là. Ça veut dire, que la bracha de Yitzhak, c'était quelque chose de beaucoup plus profond que juste une bracha comme ça. C'était quelque chose que pouvait être passé juste à Yaakov. Bon, Yitzhak voulait le donner à Esav. parce qu'il a pensé qu'avec les brachot, il pouvait rectifier Esav. Il a vu que Yaakov Ishtav Yoshev Oel. Yaakov, il est bien, il s'assoit, il étudie, il est bien. Il n'a pas besoin de plus de brachot que ça. Esav, puisqu'il a une tendance d'être un petit peu rachat, avec ses brachot, peut-être il va aller dans le bon chemin. C'est pour ça, comme ça Yitzhak y pense. Mais ces brachot-là ne pouvaient pas être passées plus qu'à une personne. Ou Yaakov, ou Esav. Alors, on voit d'ici que la brachot, ce n'était pas juste une stambracha comme ça. Je voulais parler un peu de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais vous dire exactement pourquoi. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mentionné dans la paracha cette semaine. Si quelqu'un a regardé dans un rashi. Hein, Israël, tu ne l'as pas vu dans ce rashi ? Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais juste parler un petit peu de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un midrash très intéressant de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein ? Bon, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se trouvait dans la ville de Rome, et il se trouvait avec deux autres hachamim, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il a remarqué la beauté de Rome, etc. Et dit, ah, kama na'im ma'asim elu shel haromaim. Comment est-ce qu'ils sont, bien les choses que les Romains ils ont fait, ils ont fait des théâtres, etc., des ponts, des rues, quelle beauté! De belles réalisations. Rabbi Yossi, il n'a rien dit. Chatak Rabbi Yossi. Et Rabbi Shimon, il a critiqué. Comment? Ma shem asu, lo banu le bet mechetzaot, ela la simbaem. Et ils n'ont pas fait ça, c'est juste pour leur propre bien. Ils n'ont pas fait ça pour Hachem. Ils n'ont rien, ils n'ont pas eu de. Bon, l'histoire. L'histoire est arrivée aux oreilles des Romains et on sait la continuation de l'histoire. Rabbi Shimon devait se sauver avec son fils et ils se sont trouvés 13 ans dans une grotte. Et ils étaient. Le Midrash raconte que ils mangeaient juste des charovim. Oui, des carous. Il y avait l'arbre. Oui, il y avait juste un arbre à côté. Et quand ils se trouvaient dans la grotte, imaginez-vous, ils se sont pas lavés. Pourquoi ils mangent ? Pas de douche. Ils n'avaient même pas d'eau. Ils sont pas sortis de la grotte. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le Midrash, il raconte. Après 13 ans, vous imaginez, vous portez le même habit après 13 ans. Non, c'est pas évident, hein ? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé leur habit et ils rentraient dans la boue. Et ils avaient de la boue jusqu'ici. Comme ça, ils peuvent étudier la Torah. Ils étaient couverts. Et ils étaient toute la journée comme ça, juste Erev Shabbat, ils montaient, ils mettaient leurs habits et pour les Revot Shabbat. Pendant 13 ans. Le Midrash, il continue et il raconte que quand ils sont sortis de la grotte, ils ont commencé à voir des gens travailler. Et ils ont commencé à brûler tout le monde. Tout ce qu'ils regardaient, Kol Machel Samu NM, tout ce qu'ils regardaient, il avait brûlé le feu. Parce qu'ils ont dit, comment est-ce qu'on peut travailler ça? C'est impossible. C'est la Torah. Il y a une bad code qui est sortie. Ils ont dit, oh, vous êtes sortis pour détruire la rive Olami. Vous êtes sortis pour détruire le monde. Retournez à la grotte une autre année. Et ils sont retournés à la grotte pendant un an pour. Comment on dit, relaxer un petit peu. Et quand ils sont ressortis, hein, calmer le feu un petit peu, pour réaliser qu'il y a un monde, à part le monde de où est-ce qu'il se trouve. Pour attirer. Alors quand ils sont ressortis, ils ont vu quand même les Bnei Israël qui font des mitzvot. Alors ils ont dit, bon, ils se sont calmés, ils ont dit, Bnei Israël, ils sont des mitzvot. Bon, il y a beaucoup d'histoires que la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, il rapporte dans Masechet Brachot une agada impressionnante. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'arrêtait pas pour la prière. Il n'arrêtait pas pour prier. Il étudiait toute la journée. La prière qu'on fait, il ne la faisait pas. Parce que tout ce qu'on nous, on doit accomplir avec la prière, Rabbi Shimon le faisait même avec la Torah. Il n'y avait pas de prière à l'époque. Il n'y avait pas Sidour. Non, Sidour, il n'y avait pas. Je suis d'accord avec vous, mais on était les Tfilines. Oui. Il y avait une prière. Chacun priait de la façon que lui pouvait. Il parlait à Hachem, j'ai besoin de ça. Quand quelqu'un avait besoin d'une, d'une refouage shlema, un cholé bébéto, il te palèle, il y a quelqu'un, il y a besoin. Hein? Là, il voit des doutes. Il y a des Mais il faut des doutes, il a toujours existé. Non, là, c'est pas la prière. Alors, chacun avait sa façon. Pourquoi ils ont fait un sidour? Le sidour a été ramené juste pendant un Cheikh Knesset Agdola. Après la destruction du deuxième temple. Mais les brachot, mais c'est pas le sidour, excusez-moi. C'est moi, pas le sidour, mais les brachot. Parce que dans le temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas peut-être un sidour, mais il y avait les brachot. Baruch Ata Hashem, c'est un Cheikh Knesset Agdola, c'est bien avant Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est après la destruction du deuxième temple. Au temps de la construction du deuxième temple, excusez-moi, pas la destruction. C'était après l'histoire de Daniel, etc. Est-ce qu'elle est avec la paracha? Hein? C'est quoi le lien avec la paracha? Ouais. Bon, juste avant qu'on vienne avec le lien avec la paracha, on sait qu'il y avait cette relation avec les Romains. On trouve aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il n'arrêtait pas pour la prière. Quelque chose d'exceptionnel quand dit que Rabbi Shimon lui dit, si j'étais à Har Sinai, comme ça il disait, Loulé Haïti Be Har Sinai, si je me trouvais à Har Sinai, Tav Inan, la Gemara elle dit, Haïti Tove et Akash Boko. J'aurais demandé à Hachem qui crée le monde avec deux bouches, que la personne soit créée avec deux bouches. Pourquoi? Il dit une pour étudier et une j'aurais fait toutes les autres choses avec. Que la bouche qui étudie la Torah ne serait pas la même bouche qu'elle mange, etc. Mais la Gemara le disait que même avec la bouche qu'il étudiait la Torah, il n'aurait même pas dit le Kriyat Shema. Au point que le niveau de Rabbi Shimon, de sa sainteté, de sa Torah, il n'aurait même pas utilisé la même bouche pour dire rien d'autre que étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit, puisque j'ai vu que les gens ils parlent tellement de la Shonara, avec deux bouches, le monde aurait été détruit. Alors il a dit, alors c'est mieux que Hachem a créé le monde de la façon qu'il a créé la personne, ça serait c'est le meilleur comme ça. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec Rabbi Shimon? On trouve dans la paracha hein, que quand Esav a rencontré Yaakov, on retrouve qu'il a enlacé deux choses. Il s'est mis à pleurer. Mais première chose, c'est écrit, si on regarde très bien, hein, qu'il a enlacé, et après ça, hein, il l'a embrassé. Il lui a mordu. Bon, il y a des commentaires qui disent qu'il a mordu, etc. Mais on voit d'ici que... Second, laissez-moi trouver ça, je n'aurais pas trouvé. On voit ici que Rashi lui-même, voilà, excusez-moi, voilà, c'est ici. Je vais juste vous lire. C'est écrit: Va'yeret sesav ligato v'yichabkehu v'yipol al tzavara v'yashkehu v'yivku. Premièrement, il dit, il a enlacé. Rashi tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Il a enlacé. Nitgalgelu rachamav. Quand il a vu Yaakov, il a eu de la peine. Et il a dit. Même qu'il est sorti pour le tuer. Il s'est apaisé. C'est ça, il est apaisé. Ouais. Et il a eu de la peine, il a eu de la rachamim sur son frère. Et il a dit, ok, ça y est, je... Ça, c'est que... C'est pour ça qu'il a enlacé. Maintenant, quand on vient au verset Vayishakehu, quand il a embrassé, Rashi ne dit pas ça. Il dit qu'il n'a pas vraiment embrassé avec tout son cœur. L'obélève Shalem. C'est une contradiction. Comment est-ce que quand il enlace, il s'est apaisé, quand il embrasse, c'est pas avec émotion, pas c'était pas c'est loyal amitié. Quelle différence ça fait? C'est quoi cette différence? Tout de suite Rashi, il nous dit que il y a, si vous avez remarqué, il y a des points. Oui, on sait qu'il y a des points en haut du mot Vayishakehu qu'il a embrassé. C'est quoi ces points-là? Alors, les commentaires ils disent que quand il y a des points en haut d'un mot, c'est venu nous dire que ça venait affaiblir le concept. Ça veut dire, que quand il a embrassé, il ne voulait pas vraiment l'embrasser. Ça venait diminuer de la chose. C'est comme on trouve, vous savez, quand il y a une annonce, on fait une annonce, on met une petite étoile. C'est-à-dire, c'est certaines conditions. Ouais. Il y a qu'est-ce qu'ils vous écrivent comme ça et les petites regardez en bas dans les petites lettres, c'est pas tout quoi. Ça affaiblit la chose. Ouais. On vous donne ça et ça, mais écoutez, il y a des certaines conditions, c'est pas exactement ça. Alors c'est la même idée si on peut. Si des points viennent affaiblir que quand il n'a pas vraiment ça. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashi l'amène. Rabbi Shimon, il y a deux opinions. Une opinion qu'il n'a pas vraiment embrassé, avec Mikol Alev, avec tout son cœur. La deuxième opinion, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Alakha hi sonne Esav et Yaakov. C'est une règle. Esav, il n'aime pas Yaakov. C'est clair. Mais, au ce moment, il a eu de la peine pour lui. Mais pourquoi de la peine? Parce que, oh, alors très bien. Très bien, c'est ça la question. Alors, Rashi, il explique comme ça. Rashi, il explique que quand Yaakov, quand Esav, il a vu Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand il a vu Esav? Il s'est prosterné cette fois, etc. La première fois, la dernière, le premier groupe, le deuxième groupe. Alors, il s'est apaisé. Il a vu son frère comme ça, il le respecte. Avec un grand respect comme ça, il a dit, il a eu de la peine. Mais ça explique pas assez. Bon, ça c'est pour l'enlacer, on peut enlacer quelqu'un. Mais l'embrasser, c'est beaucoup plus profond. Alors, parce qu'on sait que jusqu'au moment que Esav rencontre Yaakov, il le déteste. Il haït, il veut le tuer. Alors c'est dur à comprendre. Jusqu'à ce moment qu'il était tout d'un coup, comment est-ce que c'est possible? Alors l'explication c'est que quand il a vu se prosterner devant lui, il s'est apaisé, il a dit, il me respecte tellement mon frère, etc. Mais ça n'explique pas assez. C'est pas Hachem qui a mis quelque chose pour l'arrêter ou quelque chose. Qui a Esav? Ah, Esav. Peut-être il a Ça peut bien. Mais moi je pensais que. C'est pour ça qu'on amène Rabbi Shimon Bar Yochai d'ailleurs. Moi je pensais que parce qu'ils sont mis c'est à. C'est ça la connexion. Parce qu'il a vu qu'il mourait le même jour. Alors. Qui mourait le même jour? Esav et Yaakov mouraient le même jour. De quoi? Ils mouraient le même jour ensemble. Ah, excusez-moi. Donc, oui. Automatiquement il se met à pleurer. Si je comprends bien, c'est. Esav et Yaakov. Je pense que c'est Rachid qui explique, si je comprends pas. Quelle est la phrase? Oui, il a embrassé, il a enlacé. Alors, pour Ichabkeu, Rachid explique, c'est comprenable pourquoi il voulait enlacer, parce qu'il s'est prosterné devant lui, il lui a donné fait un encore. Mais ça explique pas assez pourquoi il embrasse. Parce que un bisou, c'est une expression beaucoup plus profonde qu'enlacer quelqu'un. C'est pour cela que Rachid ramène la deuxième interprétation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si je me rappelle bien, oui. Je pense qu'il voulait lui rendre même la Bechora à certain moment. Je pense qu'il lui a parlé de sa Bechora. Non, il n'y a pas un commentaire là-dedans. Je ne pense pas que Yaakov il voulait jamais. Non, c'est non, ça c'est le malach. Non, le malach dans cette paracha ici, le malach après qu'ils sont battus, Yaakov avec l'ange, et le malach lui dit, Eloi karecha yoter shemo Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov, Israël, que ta bechora elle est venue. On en est, qu'elle est honnête, c'est tout est bien. Ça on trouve ça dans les commentaires. Je pensais que Rachid disait comme quoi, il pleure parce qu'il a vu avec une voix, les deux ont vu, qu'il mourait le même jour. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé finalement. Et ça, et Yaakov meurt. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il a pleuré. Oui. Moi, je me rappelle très bien, ça c'est avec l'histoire de Yosef et Benyamin. J'ai pas vu le commentaire. Le commentaire, pourquoi il a pleuré dans Rashi dans cette semaine, je vois pas. Mais Yosef, quand il a rencontré Benjamin, il a pleuré aussi. Pour la destruction. Parce qu'il a vu que les deux temples, Yves Paul, Al-Savarav, Savarav, c'est Belachon Rabim sur les deux temples qui vont être détruits sur la région de Benyamin. Mais Vaïfkou, je n'ai pas vu. Alors là-bas, Vaïfkou. Hein? Vaïfkou, c'est ce que j'ai compris, mais peut-être que. Non, mais de quoi il oui. Oui. Encore plus mystérieux. Oui. Ils disent, c'est pas marqué quelque part où ils disent pas que quand on mentionne dans la Torah que quelqu'un embrasse quelqu'un, oui. Ça veut dire qu'il est en train de lui donner ses connaissances. Ah, c'est vrai. C'est ce que j'ai entendu. Alpi Hassidut. Quand quelqu'un embrasse quelqu'un, il lui donne ses forces oui. Spirituelles. La forme. Il y a un concept comme ça, mais alors, ça veut pas dire qu'à chaque fois que la Torah elle raconte que quelqu'un embrassait quelqu'un, c'est qu'il lui a donné sa reconnaissance. Le concept de Neshika, comme on dit dans Shir HaShirim, Ishakenu, Ishakeni, oui. Meshikot Piyo. Alors là-bas, on sait que c'est quoi, c'est la connaissance que Hachem il avait donné, la chokhma que Hachem il a donné à Shlomo HaMelech. Parce que les commentaires ils expliquent que toute l'histoire, tout le Shir HaShirim, c'est une parabole de la relation entre Dieu et le peuple juif. Mais c'est pas ça veut pas dire qu'à chaque fois c'est écrit Vayeshekeo, ou ça veut dire que c'est Neshika qui lui a donné sa connaissance. En tout cas, les commentaires, ils demandent. Alors ça, c'est les deux explications. Les commentaires, ils demandent pourquoi est-ce que Rachid rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Rachid, d'habitude, il n'a pas l'habitude de ramener les Chachamim, le nom du Chacham. Pourquoi ouais. Il rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a dit cette règle que Alachai dit Esav sonnait les Yaakov. Que Esav, il déteste Yaakov. C'est une règle. Alors, comment est-ce que lui-même, il interprète? C'est lui qui dit Esav sonnait Yaakov, mais à cette fois, hein, Esav il ne déteste pas Yaakov, mais ça va contre la règle. Alors, on explique que, en vérité, pourquoi il ramène, parce que ça c'est un indice qu'il rapporte pourquoi Rashi nous a amené Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui aussi, lui-même il avait un problème avec Esav. Bon, Edom, les Romains, il avait ce problème, il a été poursuivi par les Romains. Il voulait les tuer. Mais, à la fin, il est sorti de sa grotte, etc. Quand il est sorti de sa grotte, une des histoires dans la Masechet Me'ila s'est rapportée que quand les Juifs, ils avaient... Les Romains, ils ont fait un décret sur les peuples juifs. Qui ils ont envoyé pour enlever ce décret? Rabbi Shimon Bar Yochai. Même que, lui, il savait, Rabbi Shimon Bar Yochai, que les Romains voulaient... C'était après toute l'histoire qu'il est sorti de sa grotte. Et les Romains, c'était peut-être son pire ennemi. Et c'était leur pire ennemi. Mais quand même, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Melumad Benissim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pouvait faire des miracles. C'est pour ça que les Chachamim l'ont choisi pour aller voir les Romains. Alors c'est exactement comme Yaakov. Même que Yaakov, c'est ce que M. Benichal a dit. Yaakov, il est arrivé chez Esav. Et Yaakov lui-même aussi, il était Melumad Benissim. C'est pour ça que Hachem lui fait ce miracle que... À ce moment, Esav ne veut plus le tuer. Esav ne veut plus, lui en veut plus. Même que tout ce moment, jusqu'à ce moment, Esav veut le tuer, etc. À ce moment, Hachem lui fait ce miracle, ne pas tuer Yaakov. C'est pour ça, Rashi nous donne tout cet indice dans le bio lui-même, pourquoi il rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a 14 ans. Quoi? Combien des années Yaakov était chez Laban? 14 ans, plus que 21. 21. 21. C'est pas lui, excusez-moi, c'est pas lui, le Bishmar Bahadi lui-même. Hein? C'est le Bishmar Bahadi qui dit, lui voir la face de Dieu, regarde ma face. Oui. Ah, c'est lui qui dit ça. Man pne avaya ave man rajbi. C'est quelque chose de très très fort. Tu connais ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est lui qui veut voir le... Le visage de Dieu, il regardera mon visage. Bon, c'est un concept très très profond dans la Kabbalah, c'est expliqué. Bon, on va pas passer à ça. Avant, je vais parler aussi de l'histoire de Dinah. L'histoire de Dinah, c'est qu'on trouve que tout le monde sait l'histoire de Dinah. Dinah après toute l'histoire de Yaakov, etc., Dina, Vatietse Dina, Ebnot, Amaharetz, etc. Dina est prise par Shrem, oui, et Shrem et Hamor, c'était le père de Shrem, et il a eu une relation avec Shrem. Il la viole. C'est différent. C'est pour ça que je dis pas. Non, parce qu'il y a des impressions qui disent que non. Ce n'est pas un viol. Rashi explique explicitement viol. 100%. Rashi rapporte qu'il y a une différente opinion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va trouver que ce n'est pas assez simple. Une très grande question que le Chida, Rabbi Chaim Yosef, David Azoulay, il demande une très grande question. Il dit... Dina, c'était la fille de Yaakov. Yaakov, c'était un grand tzaddik. Dina elle-même, elle était certainement une grande tzaddikette. Oui. Alors, comment est-ce qu'on sait? La preuve, le Chida rapporte que Dina elle-même, et que Yaakov lui-même, il avait caché Dina de Esav. Mm-hmm. Oui, et Esav, et Yaakov, il est puni pour ça. Pourquoi est-ce que Quand ils sont venus voir, je veux juste le faire très clair que tout le monde comprend l'histoire. Quand Yaakov il est venu voir Esav, il avait caché Dina dans un armoire, comme que Avram il avait fait avec Sarah. Pourquoi? Pour que Esav ne le voit pas et ne voudra pas la prendre comme femme. Mais il a caché même sa femme. Il a caché Rachel. C'est Yosef qui a caché Rachel. Il n'a pas caché dans un armoire. Yosef s'est mis devant sa mère, c'est pour ça qu'il a eu... Il a eu la bracha, ben porat Yosef, ben porat Aléhain, Aléchour, etc. Ça c'est une autre chose. Mais là, elle est mise comme dans un coffret pour que Esav ne la voit pas. Alors ça veut dire que, pourquoi il a été puni, Yaakov? Parce que la Torah, les commentaires expliquent que peut-être il aurait marié Dina, et Dina l'aurait amené au bon chemin. Elle aurait fait tchouva à Esav. Puisque il ne lui a pas laissé la chance de faire ça, elle a été. Ça c'est. Alors on voit d'ici, on va parler de ce lien aussi, mais on voit d'ici que certainement que Dina c'était une femme, une tzadekette, puisque elle aurait pu faire tchouva et Esav. Pourtant Rachid dit le contraire. Hein. Que quoi? Non. Rachid dit telle mère, telle fille. Elle aimait sortir. Il dit Yatzanit Aïta. Il dit qu'elle aimait sortir. Yatzanit Aïta. C'est Chazak. C'est pour ça. Ne rapproche pas au père. C'est pour ça le verset il dit va tetsé Dina. Maï. C'est comme ça, comme la mère elle était une yatsanit, où est-ce qu'on sait que sa mère elle était une yatsanit? Yatsanit ça veut dire qu'elle aimait sortir de la maison et se promener. On voit, comment est-ce qu'on sait qu'elle était yatsanit? Avec les doudaïm. Les doudaïm, c'est ça. Et deuxièmement, après l'histoire du viol, oui. Ça a commencé par un viol, mais après elle est restée malgré son gré. Ah, avant que ses frères là. Très bien. Dire, si c'était pas pour ses frères, elle serait. Très bien. Il y a plusieurs interprétations parce qu'à la fin de la journée. À la fin de toute la journée, ce qu'on va voir d'ici, c'est que les personnalités de. Ce que je veux rapporter d'un point ici, on va voir le Kitva Rizal. On va voir un petit peu comment est-ce que le Rizal il regarde toute cette scène ici. Parce que le Chida, il a beaucoup de misère à comprendre toute cette histoire. Et il comprend, c'est impossible. Comment est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose comme ça, spécialement que c'était la fille de Yaakov. Deuxièmement, Yaakov, il est puni pour ne l'a pas redonné à Esav. Troisièmement, on voit que quand Yaakov, il entend toute l'histoire, que sa fille, elle a été... Qu'est-ce qu'il dit? Vaishma Yaakov. C'est tout. Salut! Le Chida, il rapporte un mot. Echoulo pirkes! Vous savez, c'est quoi une pirkes? Pirkes, ça veut dire un pirkus. C'est quand on fait. C'est un mot qu'on emploie dans la Gemara. Quand on prend une shrita, une bête, la bête, elle tremble. C'est ça que Yaakov, il aurait dû. Aïtzer les parkes, il dit. Exploser. Il aurait dû exploser. Comment ça? Bah, Ishma Yaakov. Rien du tout! Il dit rien, il dit même pas. Vaïchar le Yaakov. Il a eu de la peine. Rien du tout, Yaakov, il est très bien. Alors, le Chida, il rapporte du Kitva Rizal. il rapporte une chose très intéressante. Il dit que Dina, c'était le Gilgul de Amatla et Bat Carnevo. C'est qui Amatla et Bat Carnevo? Amtalai. Vous savez c'est qui? C'est la femme de Terah. Terah, c'était le père de Avraham. Sa femme, la femme de Avraham, la femme de Terah s'appelait Amatlai, Amtalai. Son père s'appelait Carnevo. Amtalai, Bat Carnevo. Alors, Dina, c'était son Gilgul. Qu'est-ce que ça a à voir avec son Gilgul? Il explique que Terah, il a eu des relations avec sa femme quand elle était Nida. Alors, pour avoir ce Tikkun, pour rectifier cet événement, Dina est venue dans le monde. Et il dit, si on prend le mot Dina, c'est les mêmes lettres que Nida. Dina, Nida, c'est les mêmes lettres. Elle dit, alors, Dina est venue pour rectifier ce Tikkun de Amatla et Bat Carnevo. C'est pour ça elle devait sortir tous les le mal qu'elle avait en elle et le donner à un rachat. Mais il avait le Shabbat de Gilgul. Qui? Shrem Ben Hamor. Comment ça s'appelle? Hamor. Shrem Ben Hamor. Hamor. C'était quoi son Gilgul? Il devait faire un tikkun lui aussi. Oui. Selon le Harizal, tout le monde doit faire des tikkunim. On l'a tué parce qu'on ne voit pas. Et la même chose avec les Tisham Ben Hamor. Quand tu vois une femme. Quand tu vas à la guerre, oui, oui, Khazak. Tu vas la laisser, Khazak. Tu ne vas pas la prendre. Ishaïa Fatoa, oui, oui, ok, Khazak. Lui aussi, il devait faire cette rectification. Mais, en tout cas, alors, le Khazak, le Harizal, hein? C'était quoi le Gilgul? Le Shrem. Le Gilgul de Shrem? Oui. C'était le Gilgul de quelqu'un qui devait faire un tikkun de Ishaïa Fatoa. Bon, c'est un autre lien. Mais. Alors, il rapporte comme ça. Dina, elle devait faire le tikkun de Amatla et Bat Carnevo. Et puisqu'elle devait faire ce tikkun, elle devait être avec Shrem. Et Shrem devait prendre tous ces tum'a, toute cette impurification de Dina. Maintenant, la question se pose tout de suite. Alors, pourquoi elle aurait pu être donnée à Issa? Et ça aussi, c'était un rachat. Elle n'était pas trop jeune pour tout ça, elle n'avait que 8 ans. 7 ans. 7 ans, c'était trop jeune pour tout ça. Mais à l'époque, c'est 7 vrai. Ans, c'est quelque chose. Non. Ah, à cette époque-là, 7 ans, c'était pas. Elle avait 3 ans. Aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, c'est en prison. Mais bon, dans ce temps-là, c'est 7 ans, c'était. D'ailleurs, vous savez que les Mefarchim, ils rapportent que Dina, après Dina, elle s'est mariée avec qui? Shimon. Après, Shimon, elle s'est mariée avec qui? Après Shimon, le Chesed d'Avraham, Rabbi Avraham, c'est intéressant que les deux, Chesed d'Avraham, Rabbi Avraham Azoulay, le grand arrière-grand-père du Chida, il rapporte qu'elle s'est mariée avec Eyov. Oui. Et la fille Osnat. Et la fille de Dina, c'est Yosef. Mais Osnat, c'est la fille de Dina. Oui, Osnat, c'est la fille de Dina. Oui, mais c'est Yosef. Et Shaul, c'est la fille avec Yosef. On est parti avec Yosef. Ben non. C'est ça, Dina c'était. Alors Osnat elle est venue de Dina et Yov. Et Yov, pas de Dina et. Non, Hamor. Non, Hamor, Hamor, Dina, et Shaul, elle avait 7 ans. Je pensais que Osnat était la fille de Hamor et de Dina. Alors une seconde, ok, avant qu'on. C'était entre parenthèses, une seconde, on peut en discuter après. Je vais juste finir. On va juste finir le point. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné à Essav? Parce que simplement, Essav, c'était un rachat. Même qu'il était un rachat, Yaakov, il voulait quand même qu'on le rectifie. Il fallait faire un tikkun à Essav. Si Essav, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il serait avec Dina, on avait besoin comme de lui pour qu'il prenne toutes les forces de Touma et qui va, ça va à Essav. Ah, pourquoi il ne voulait pas se marier? Les frères de Dina, ils se sont énervés. Pourquoi ils se sont énervés? Parce qu'ils ont dit, au moins, si Essav l'aurait pris, oui, alors ok, le rachat il serait pris, il lui aurait donné toutes ses forces, et elle aurait quand même essayé de lui faire faire Tchouva, de rectifier Essav. mais de la façon que Shrem avait fait, il avait pris, il avait violé, etc. Ça, c'était pas respectueux pour la fille de Yaakov. Qui? Il a eu Osnat. Parce que, il y a des commentaires qui disent non, qu'il a eu la fille de Osnat. Ils disent que Shimon et Lévi, ils ont envoyé Osnat en Égypte. Yaakov, il a envoyé Osnat en Égypte. Parce qu'ils avaient peur que Shimon et Lévi, ils tuent le fils de Shrem aussi. La fille. Non, j'ai vu des autres commentaires. Moi, il y a peut-être différents commentaires qui disent que Osnat. Parce que selon le calcul, Osnat, elle serait beaucoup plus vieille que Yosef, peut-être. Elle est beaucoup plus jeune que Yosef. Mais beaucoup plus jeune. Parce que Yosef, il s'est marié beaucoup, après, beaucoup de temps après. Bon, en tout cas. Shaoul ben Akenani. Shaoul ben Akenani, qui se trouve à la fin de la paracha. Est-ce que c'est ça, le fils de... De Shrem? De Shrem et Dina. Je n'ai pas vu ça, que c'était la fille. J'ai lu un rachis, je pense, cette semaine, qui disait qu'il y a qui pensent que Dina et Shimon étaient jumeaux. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu. Non, mais pas la même mère. Comment oui, ils sont pas jumeaux? C'est la même mère, Dina et Shimon. Des jumeaux, pas de la même mère, c'est très dur. Mais bon, parce que, c'est dur à faire. C'est dur à faire. Non, mais jumeaux, je parle moi. Comment jumeaux? Ben, jumeaux, c'est la même mère. C'est la même chose. Bon, c'est ça le point, c'était que c'était Dina, elle est venue rectifier cette chose. C'est pour ça qu'on voit que, en vérité, Yaakov, ça explique aussi pourquoi Yaakov ne s'est pas énervé. Pourquoi? Parce que Yaakov, il savait que c'était le tikkun. Il a compris. C'est pour ça que quand c'est ils sont. C'est difficile pour nous de comprendre tout ça. Ah, ça, bien sûr. Mais je vais vous dire ce que nous on apprend de tout ça. C'est une très grande leçon. Pourquoi j'ai ramené tout ça? Juste pour finir le point. Le point, c'est que Yaakov ne s'est pas fâché. Il a attendu. Il savait le sod. Oui. Quand ses enfants sont revenus, il aura dit. Hein? Eux ne le savaient pas. Non, mais il aura dit. Mais eux, ils se sont comment énervés parce que de la façon que Shrem l'avait fait, c'était inacceptable. Ouais. Et c'est pour ça, Yaakov n'était pas énervé parce qu'il savait que c'était en son ticone. Qu'est-ce que je ramenais de tout ça? Je ramenais de tout ça parce que quand nous, beaucoup de fois, on lit le Chumash, on lit les Nevi'im, on lit les Ketuvim, on voit des histoires très, très, peut-être bizarres même. Comment est-ce que David HaMelech, il avait fait le péché de Bathsheba? Comment est-ce qu'on trouve ça, etc. On réalise que ces personnalités qui se trouvent dans le Tanakh, c'est pas des gens réguliers comme on pense. C'est pas nous, c'est des gens ordinaires, comme moi et vous, etc. C'est des gens, des grands tzadikim. Et il y a certaines choses, le Harizal, nous, ce qu'on apprend de ce Harizal, que c'est des choses qu'on comprend pas. Qu'on ne sait pas, qu'Hachem a un différent plan de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend. C'est pour ça d'ici on voit qu'on explique que Dina en vérité, selon cette explication, n'avait pas fait un péché. Selon l'explication du Harizal, Dina devait faire un tikkun. Ce tikkun est certainement, selon le pshat. Selon le pshat des versets, Rashi, c'est une explication de comprendre. Mais selon le Sod, il y a quelque chose de beaucoup plus profond de ce qu'on voit, de ce qu'on trouve. Et selon cette expression, Dina n'avait pas péché. C'est possible parce que Yaakov, en fin de compte, a toujours reproché à Shimon et Lévi d'avoir exterminé la ville. C'est de lui, sur l'ordre de la ville. Exactement. Son ordre de la ville, celui qui mais une seconde, une seconde. Mais ça prouve le point. Ça appuie. Parce qu'il n'aura pas pardonné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve que Shrem a été tué tout de suite après. Parce qu'il a fait son tikkun dans le monde. Oui, il a fait ça. Bon, Yaakov, il n'est pas content parce qu'ils n'auraient pas dû le tuer. Selon le Harizal, il leur a fait une faveur. Il avait pris tout le mal de Dina. C'était son tikkun. Mais après qu'il avait fait son tikkun dans le monde, on n'avait plus besoin de lui. Bon. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça